échanger les pompes fades sous les ramures chanteuses. C'est Tiresis et c'est Tomate, et c'est l'éternel qui lui tombe, et c'est Damis qui bonheur de cruel fait ma verre tendre. Leur côte vestue de soie, leur longue robe à queue, leur élégance, leur joie et leurs molles ombres bleues. Tourbillonne dans l'extase d'une lune rose et grise.